Dorothée. Au secours, Dorothée. Je dois partir et vous quitter dès cette nuit. Quiconque perdra sa maison, sa femme ou ses enfants à cause de Dieu, il recevra bien davantage dans ce siècle et plus tard la vie éternelle. Ce que Dieu a uni, Dieu peut le séparer. Un jour, plus tard, nous comprendrons. Dure est la peine, affreux le sacrifice, noire la nuit et la voie solitaire. Mais Dieu pourvoit aux soins de ceux qu'il aime. Ô femme, entends la voix des temps futurs. Un peuple entier sera sauvé par toi de la guerre qui tue les pères et qui dévaste les foyers. Par toi, par ton seul sacrifice, mille et mille garderont ce bonheur que Dieu t'arrache. Voici, tu cèdes à la grâce sévère. Alléluia. Alléluia. Dieu pourvoira.